Bruno Boyer, attaché de coopération pour le français à l'Institut français de Serbie, a ouvert le concours. Il a parlé un peu de cette compétition, il a parlé un peu de jury et de critères selon lesquels le jury va prendre la décision. La catégorie des juniors est présentée première et ils ont ouvert le programme. Ils ont chanté vraiment hit comme « Pour que tu m'aimes encore »,« La vie en rose »,« Aimer »,« Mon cœur », c'est Titanic en français, « Je veux », »,« Moi Lolita », etc. Ils sont vraiment magnifiques, qu'est-ce que tu penses, n'est-ce pas? Ah, je les trouve bien, ils sont excellents. Ils sont excellents tous. Et maintenant, nous allons interviewer la gagnante de la catégorie junior. C'est votre première participation dans un concours semblable à celui? Oui, c'est ma première compétition pour chanson francophone. Et puis, pourquoi vous avez choisi cette chanson? Parce que j'aime beaucoup la mélodie et le texte. Que signifie cette victoire pour vous? Ça compte beaucoup pour moi. C'était pas en avant. Merci pour votre interview, ça nous a fait plaisir. Merci. On attend les seniors, ils vont interpréter après les juniors, effectivement. On attend avec impatience le début. Un jury aura beaucoup de difficultés de choisir les meilleurs des chanteurs. Les seniors ont fini avec leur interprétation et maintenant le jury va prendre la décision. Le mieux est resté pour la fin. Ce sont les seniors qui ont fermé cette compétition. Les performances étaient brillantes et les gens ont beaucoup applaudi. Avec les seniors, la prise de décision sera bien difficile, mais c'est seulement un qui va gagner. Et maintenant, je vais poser quelques questions gagnantes de la catégorie. Senior, c'est votre première participation dans un concours semblable à celui ou pas? Non, ce n'est pas ma première présentation ici. C'est la quatrième fois que je chante ici pour la chanson francophone à Belgrade. Ma première fois était en 2005 et j'ai gagné aussi cette année-là. J'ai passé à Niche et après rien. Ça, c'était le fin. Bravo. Et deuxième question, pourquoi vous avez choisi cette chanson particulièrement? Parce que j'aime la musique fado, c'est la musique portugaise. Ouais. J'ai écouté un jour cette chanson et j'ai aimé beaucoup. Ouais. Et que signifie cette victoire pour vous? Bon, je suis contente et c'est ça. Ouais. Ouais. C'est tout. Nous aussi. Merci beaucoup pour cette interview. Interview avec Bruno Boyer, attaché de coopération pour le français de l'Institut français de Serbie. Pour quelles raisons vous avez particulièrement voté pour ce candidat ou cette candidate? Moi, en tant que président du jury, je trouvais qu'elle avait la force de conviction. C'est pas elle, peut-être, qui a la plus belle voix, mais c'est elle qui a donné tout ce qu'elle avait. On sentait qu'elle a vraiment vécu sa chanson. Elle a un beau timbre de voix en plus. Voilà, c'est un ensemble de choses. J'ai trouvé qu'elle se comportait très bien sur scène, elle bougeait bien, son français était très clair, elle était simplement pour moi meilleure que les autres. Il y avait un petit truc en plus. Bien, et que pensez-vous de ce concours et des participants de cette année? Oh, c'est nul. Non, c'est très bien, c'est nous qui l'organisons, évidemment, c'est l'Institut français, donc je plaisantais. Mais j'ai trouvé que cette année, notamment les juniors, étaient bien meilleurs qu'avant. Donc moi, c'est la cinquième fois que j'assiste au concours de la chanson francophone. Et je pense que c'était la meilleure année pour les juniors et les seniors. Donc c'était très très bonne qualité, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous avons parlé avec Dragan Nikolic. Il est professeur de musique à une école française de Belgrade. Première, pour quelle raison vous avez particulièrement voté pour ce candidat ou cette candidate? Je peux vous dire que c'est... Alors, on a été un petit peu surpris avec les qualités de chanteurs de catégories de... Il y a beaucoup de chanteurs qui chantent excellent. Alors, ce que je trouve un petit peu bizarre, je n'ai pas vu beaucoup de garçons. Oui, c'est ça. Il y a seulement un. Un garçon seulement, oui. Alors, les seniors chantent excellent. Il y a vraiment, vraiment de bonnes chanteuses. Alors, nous avons choisi les chanteuses qui ont eu en interprétation les meilleures. Voilà. Oui. Et que pensez-vous de ce concours et des participants de cette année? Alors, je peux dire une chose, que je participe première fois cette année dans le jury de ce festival. Alors, et je trouve que, alors, il y a des chanteuses et des chanteurs qui chantent bien. Je pense que ça peut être une bonne tradition en Serbie. Oui. Et y a-t-il de l'espoir pour francophonie et pour les gens qui aiment français en Serbie? Ah oui, c'est bien, oui, c'est sûr, c'est sûr. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui participent. Dans le groupe de juniors, il y a 20 et quelques chanteurs. Je peux appeler les garçons. Alors, oui. Pour eux, je pense que la porte est ouverte. Merci beaucoup. À vous aussi.